Communiqué du comité préparatoire du côté nord de la conférence conjointe de partis politiques, formations et personnalités individuelles du nord, du sud et d'outre-mer pour la paix et la réunification indépendante de la péninsule coréenne. Les préparatifs pour l'ouverture de la conférence conjointe s'animent, alors que tous les compatriotes se déterminent à tenir solennellement un grand rendez-vous pan-national pour la réunification et à marquer un tournant décisif dans les rapports intercoréens et l'accomplissement de la cause de réunification du pays à l'occasion du 71e anniversaire de la libération de la patrie significative. Le comité préparatoire du côté nord pour l'ouverture de la conférence conjointe déjà organisée dynamise ses activités. Voici les membres du comité préparatoire du côté nord. Président Kim Yong-chol, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée. Vice-président Rod Chol, vice-premier ministre. Kim Yong-dae, président du comité central du Parti social-démocrate de Corée. Ryu Mi-yong, présidente du comité central du parti Chondoïste Chong-woo, Hong Son-ho, secrétaire général du présidium de l'Assemblée populaire suprême, Chun Yong-nam, premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung, Chu Yong-gil, président du comité central de la Fédération générale des syndicats de Corée, Lee Myung-gil, président du comité central de l'Union des travailleurs agricoles de Corée, Kim Jong-sun, présidente du comité central de l'Union démocratique des femmes de Corée. Han Dong-chun, président du comité central de l'Union générale des écrivains et des artistes de Corée. Cha Sung-soo, président du comité central de l'Union des journalistes de Corée. Kim Wan-soo, secrétaire général du comité central du Front démocratique pour la réunification de la patrie. Choi Jin-soo, président de la direction nord de l'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie. Kim Jin-go, chef de la direction du travail à l'égard des compatriotes d'outre-mer, Kang Ji-yong, président du Conseil des croyants de Corée, et encore plus de 50 membres élus dans différents secteurs, y compris les ministères, les établissements centraux, les partis amis, les formations des travailleurs et autres formations sociales. Le comité préparatoire du côté nord constituera vite le comité préparatoire commun de toute la nation en étroite liaison avec les comités préparatoires régionaux, conformément au désir de tous les compatriotes de voir un tournant décisif dans l'œuvre pour la paix et la réunification dans la péninsule coréenne et consentira toujours des efforts pour la réussite du grand rendez-vous national à l'occasion du 71e anniversaire de la libération de la patrie. Pyongyang, le 9 juillet de l'an 105 du Juche 2016.